peut déjà faire partie de l'histoire et on peut rêver aux belles années qui s'en viennent. Quand on a 19 ans, on a hâte à l'année prochaine. La Barberie, 19 ans, bientôt 20. Chance que Bruno est là pour me rappeler que c'est le temps de faire le micro. Bonsoir, bienvenue à Terra Incognita. On rigole, là, parce que Bruno m'a regardé et dit, on le laisse-tu aller? T'as l'air à vouloir saler le thème au complet. J'ai dit, ah ben oui, c'est vrai. Faut bien que l'émission commence. C'est quand on y va. Eh bien, bienvenue en cette belle soirée d'automne. C'est une bonne occasion pour s'installer confortablement et puis écouter du prog pendant 2 heures. Et puis, vous savez que vous êtes à la bonne place pour cela. Donc, ce soir, on a plusieurs nouveautés. Et je pense, d'ailleurs, on va commencer pas mal, un bloc de nouveautés. On commence, même, je suis en train de me demander si je n'étais pas vous dire que c'est entièrement anglais d'Angleterre. Mais j'ai comme une petite hésitation, mais ça va être au moins aux 2/3, ça, c'est sûr. Donc, on commence avec un groupe anglais qui s'appelle Tilt, de leur disque Interland. Tilt, c'est un groupe formé par des musiciens qui ont accompagné Fish pendant de nombreuses années et même qui ont composé aussi avec lui. Et puis, c'est leur premier essai là, sous le nom de Tilt. Et puis, on va voir aussi Circa, un des projets de Billy Sherwood. Je pense que c'est le 4e disque studio. Et puis, bien d'autres choses. On commence donc avec Tilt. C'est sur les ondes de CKRL et c'est Terra Incognita. We'll be right back.

pas mal intense. À la fin, c'est Ghost Medicine de leur premier disque, Discontinuance. On remarque que c'est le projet d'un guitariste qui a pour nom Jared Leach, mais on remarque à la base quelqu'un qui est un nom qui va peut-être éveiller Colin Edwin de Porcupine Tree, qui fait partie du projet. Et puis, bon, je pense qu'on peut faire quelques recoupements. Il y a quelques liens de parenté. On avait, tout juste avant, Circa, avec Billy Sherwood et Tony Kay, le tout premier claviériste de Yes. C'est leur quatrième album studio. Je pense qu'il y a deux lives, sauf erreur aussi. Et puis, on avait amorcé avec Tilt, de l'album Interland, projet de musicien qui accompagne Fish depuis plusieurs années. Et puis, je pense que c'est pas leur dernier disque. Et puis, j'avais raison, c'était entièrement britannique. Et puis, on continue aussi, d'ailleurs. Je crois que je suis pas sûr qu'il serait heureux que je dise britannique. On va dire Royaume-Uni avec Comedy of Errors. En fait, c'est un groupe qui nous vient d'Écosse. C'est leur troisième disque, Spirit. Et puis, on va écouter probablement, je vous dirais, les trois premières pièces parce que ça s'enchaîne pas mal. L'album s'enchaîne en bonne partie, donc on fera pas de coupure drastique. On va laisser la chance au coureur. Et puis, il va y avoir bien d'autres choses, évidemment. On va rester des nôtres jusqu'à minuit. C'est Bruno et Michel, Terra Incognita. Et c'est sur les ondes de CKRL 89. Oh,

slavery. It's an ugly part of our history. Fight for their freedom. Responding to the rules, we've been caught within a web. Bon, ben, on n'est pas allé trop loin. C'était Paradigm Shift de leur album, leur premier disque, Becoming Aware. Et ça, c'est un Britannique. Et puis, le bloc a été assez court parce que faut dire que Comedy of Errors, on leur a donné pas mal de place avec leur troisième disque, Spirit. Il y a pas mal de pièces qui s'enchaînent sur ça. En tout cas, on a quand même essayé de rendre honneur à ce disque qui, moi, à mon avis, est probablement leur meilleur, le Comedy of Errors, un groupe qui s'améliore de disque en disque. Et puis, je pense que j'ai hâte au prochain parce que j'ai l'impression qu'ils sont comme rendus un espèce de momentum, les gars. Et Bruno me regarde, je pense que c'est le temps déjà, OK. Juste le temps de vous dire que vous écoutez Terra Incognita jusqu'à minuit. Et puis, au retour, on va aller faire un petit tour du côté de l'Australie avec M. Ben Craven de son disque « Last Chance to Hear ». Et puis, je vous laisse, là, c'est la pause et on va revenir en musique tantôt. Vous écoutez CKRL 89.1. L'émission C'est dans le sac est de retour pour couvrir les 11 jours du Festival d'été de Québec. Du 7 au 17 juillet, soyez prêts pour des révélations. On présente des tunes, des exclusivités. Venimos con mucha energía porque venimos llegando de México. Des voyages dans le temps. Ah, t'as encore des CD, t'es tellement rétro! Des émotions. Oh, merci, je m'ennuyais, moi aussi. D'autres genres de révélations. Brel, Félix Leclerc, c'est des génies. Mon Dieu, que c'est pas sexy. Ici Tania Beaumont. Je vous attends demain avec mon équipe de 15h30 à 17h30 au bar Le Sacrilège, 447 rue Saint-Jean. Entrevue, prestations, critiques. Un regard unique sur le Festival d'été de Québec. Seulement sur les ondes de CKRL 89.1. Cet été, le Cercle éclaire la basse ville avec Signaux de nuit. Du 7 au 17 juillet, commence tes soirées au Cercle en profitant d'une dizaine de concerts gratuits. Bad Bad Not Good, Mute, Caravan, Kid Koala, Gypsy Combi Orchestra, High Classified et bien d'autres. Signaux de nuit, c'est aussi un DJ set différent à chaque soir côté resto. Le Cercle, l'incontournable du mois de juillet. Renseignements, le-cercle.ca. En collaboration avec Budweiser, lepointdevente.com, voire CKRL, Vaudeville, la microbrasserie Trou du Diable. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap, voyez... Les Trois Petits Cochons 2, la légende de Tarzan, Our Kind of Twitter. Rendez-vous au clap.ca pour obtenir le synopsis, les bandes annonces et l'horaire complet des films. Le Clap, le cinéma d'ici et d'ailleurs. Cet été, CKRL rallonge tes rêves. Soulfinger, les vendredis 18h30 avec Jean-Sébastien Grondin. Dérapage, les dimanches 19h avec Patrice Drapeau-Bisson. Web musique, les dimanches 20h avec Simon Roy. Le week-end, faites une place de choix à la musique urbaine. Rallonge tes rêves. Cette soirée vous est présentée par... La Barberie. J'ai tant rêvé de toi. J'ai tant rêvé de toi. J'ai tant rêvé de toi. Sur le cadran solaire de ta vie. hotel. I'm nervous, there's something in the air. Day after day, nothing happens. Nobody cares. Every sound outside, the echo of a distant tune. Every light shining through the window, a sign of you. I'm scared to death, but I'm waiting for my job to do. Waiting for the darkness, when my old dream comes true. You're looking down on me, take my hand, walk away with me. You take me to the edge and let me fall as you slip away again. I know the life I wish to do. His audience never seemed so tired. He sees his people walking quietly back to their humble homes. The voices empty as their prayer. The feeble wind gently caressing the still river waves. The entire valley is asleep. The sun and march of living ghosts flows into the village square. Beacon bells vanish in the haze. Faith and shelter and relief for those cemented souls slowly becomes the witness staggering. The thought of peace, of terror, life of grief and sorrows. Is the anguish every day. Time has come for work to see the village from its scars. The valley needs the mist to clear away. Ivory skies become unbearable to look at when hours go by and time stays still. Biggest glittering, his voice is shuddered, swallowing people's minds. I guide you of man's sorrows and afflictions. She'll take your grief and set you free. For blinded praying, God is just distraction, and all I promise you is relief. As the fire that lights, people gather round the preacher. I can almost feel the life flowing again. Days go by, the sun is high, dreary skies are far away. human months. Yet so nice, so haunted, my dreams seem to have vanished with the wind. Lies of freedom, you see, it's taken all your praise. Your fools gave consent to seal his vow. The inmost nature of your sorrows is erased. Distant, peaceful, better worlds inside your minds. That's what made this veil of tears unbearable. Pain keepers stole your dreams from your nights. Took them where the fog and clouds go to die. Rain from November sky.

sacrifice. There is a silver light, and through the dark cloud shine the meaning of the words that said you'll always be with me. Emotion factory feels stronger than your. Ça nous venait d'Allemagne. On dit souvent que rien n'est terminé tant que c'est pas terminé, disaient certains. Et ben c'est le cas de Cromwell, un groupe allemand qui a présenté un disque en 1997 et puis qui est disparu complètement de la circulation. Et nous reviennent en 2016 avec Black Chapter Red, donc Cromwell. Et on était toujours en Allemagne avant avec Yogi Lang, No Decoder, le chanteur de RPVL, qu'on aimerait bien qu'il nous en livre un autre, et de même un disque solo, j'espère. On croise les doigts, mais c'est, ça n'a pas l'air d'être une priorité pour M. Lang. Et on avait amorcé avec Ben Craven, Last Chance to Hear, quatrième album pour guitariste, producteur, réalisateur australien, donc Ben Craven. On va aller faire un petit tour. C'est la dernière demi-heure. On va aller faire un petit tour du côté des États-Unis avec une obscurité. Le groupe s'appelle Pre-Med. Et le disque a pour titre The Truth About Us, la vérité à notre sujet. Notre dernière demi-heure, après ça, c'est l'autoroute. C'était, et c'est encore, Michel et Bruno, jusqu'à minuit. Thank you. toss but never know. The feeling covers which way I'll go. Endless circles on my mind, spiraling down with climb which way I'll go. Thoughts are there for you to find, but you never know which way I'll go. Those flashing lights are on the roof. Whatever building voices see, you're caught in a web of emptiness. The tiles told upon the dread. Does it smashing lights are on the roof. Whatever building voices see, you're caught in a web of emptiness. The tiles told upon the dread. Does it we'll be right back.

Ouh! Ça, ça nous vient des années 70, un groupe qui malheureusement a passé un peu, comme on dit dans l'expression, dans le beurre, Esperanto, de leur album, de leur deuxième album, Danse Macabre. Vous vous en doutez, c'est des musiciens de formation classique. Et puis l'idée en arrière, c'était de réunir des musiciens de formation classique d'Angleterre, de Belgique, de France, d'où le nom Esperanto. Et le deuxième disque avait été réalisé par Pete Sinsfield, le parolier de King Crimson, entre autres. Et je pense que c'était le disque qui était supposé être le disque lancement. Normalement, avec du calibre comme ça aurait été supposé rester dans les annales du prog britannique, mais ça a comme passé un peu à côté, malheureusement. Donc, Esperanto, Danse Macabre. Tout juste avant, ça nous venait de Finlande, Yuminoita. Je ne suis pas sûr que je le prononce comme il faut en finlandais. Non. Et curieusement, avant, on avait The Charlatans UK. J'ai réussi à... Bruno me fait quoi, là, un signe? Le temps passe, oui. D'accord, Bruno. Une chance que je l'ai là, pour me surveiller. Et puis, on avait amorcé avec Premed, The Truth About Us. Restez des nôtres, c'est l'autoroute avec Jacques dans quelques instants. Revenez-nous la semaine prochaine. C'était Michel et Bruno, Terra Incognita. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. 89.1. Cet été, le Cercle éclaire la basse ville avec Signaux de nuit. Du 7 au 17 juillet, commence tes soirées au Cercle en profitant d'une dizaine de concerts gratuits. Bad Bad Not Good, Mute, Caravan, Kid Koala, Gypsy Combia Orchestra, High Classified et bien d'autres. Signaux de nuit, c'est aussi un DJ set différent à chaque soir côté resto. Le Cercle, l'incontournable du mois de juillet. Renseignements, le-cercle.ca. En collaboration avec Budweiser, lepointdevente.com, voire CKRL, Vaudeville, la microbrasserie Trou du Diable. Cet été, CKRL rallonge tes rêves. Dès 11h30, du lundi au vendredi, CKRL vous présente 2 heures de musique jazz variée en compagnie d'experts aux univers hétéroclites. Le samedi à midi, Michel Gay anime Michel-Ange et Denis Plante vous propose